Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mes 12 journées d'immersion à l'ESAT, École supérieure d'art à Tourcoing. La première journée, le matin, j'ai assisté au cours de Sylvain Vanneau sur le son de la ville et le son de la voix. Nous avons donc commencé par parler de Gilbert et Georges en écoutant une de leurs interviews. Ce sont deux artistes plasticiens britanniques qui travaillent en couple. Ils vivent et travaillent à Londres, se sentant différents des autres et isolés par leur homosexualité et leur origine modeste. Ils se définissent comme des sculptures vivantes. Ils sont des personnages publics qui se sont construits un look d'employés de banque avec un air raide et une politesse désuète. Contraste entre leur pratique artistique et leur allure. Nous avons aussi évoqué des chansons Zadda qui sont en quelque sorte des satires. Et nous avons aussi évoqué Pipi l'autiriste. Le travail m'a beaucoup plu. Il nous a montré la chanson de Chris Isaak, Wick Game, puis la reprise de Pipi l'autiriste avec l'œuvre I'm a Victim of This Song. La reprise du morceau chanté par l'artiste commence sur un mode classique. On sent rapidement que quelque chose ne va pas. En plus, l'impression est renforcée par les images floutées et salies qui apparaissent. Le morceau avançant, la voix commence à se casser, se déchirer jusqu'au cri. Et des hurlements de douleur émis par une femme s'opposent au cœur de la voix masculine qui essaierait presque de la calmer. C'est un détournement totalement punk d'un classique de la pop, en même temps qu'une destruction d'un présupposé phallocrate. Une façon de dire « non, j'ai pas envie de me taire ». Après nous avoir parlé de plusieurs artistes, il nous a montré les travaux de certains élèves. Nous avons pu écouter par exemple les bruits de pas d'un phasme sur du papier aluminium ou encore l'eau qui coule dans un pot de terre, ce qui étonnamment ressemblait à un crépitement d'un feu. L'après-midi, on a pu assister au cours de Hervé Lessuin, professeur de sculpture et d'installation. L'activité qu'il nous a proposée consistait à fabriquer sa propre peinture. Pour cela, il fallait extraire le jaune d'œuf d'un œuf en le perçant délicatement. Puis avec ce jaune, il suffisait de rajouter quelques gouttes de vinaigre et le pigment qu'on lui en souhaitait. Voilà comment on a fabriqué notre propre peinture. Par la suite, il nous a laissé libre de peindre ce que l'on voulait et à la fin, on a pu discuter avec des étudiants, ce qui était très intéressant. Le deuxième jour, on a assisté à un cours en visio de Richard Skrzyzak, qui est un prof de vidéo et de théorie des arts visuels. Pendant ce cours, les élèves ont présenté chacun leur tour, leur projet, et le professeur réagissait. L'après-midi, on a eu un cours de gravure avec Alexis Trousset. Il nous a proposé un atelier de gravure. Pour cela, nous avons dû prendre une plaque de métal, arrondir les bords pour que lors de l'impression sous la presse, la plaque de métal ne transperce pas le papier. Ensuite, on a dû polir la plaque. Et on a mis du vernis sur la plaque, puis nous avons fabriqué notre pointe sèche pour pouvoir dessiner sur notre plaque. Donc pour cela, on a pris un bout de bois auquel on a planté une vis que nous avons ensuite poncée pour former une pointe. Pour le sujet de notre dessin, il nous a montré les gobelins de Jacques Callot et nous avons dû créer notre gobelin. Après le dessin réalisé, nous avons plongé dans l'acide notre plaque et tous les endroits où nous avons dessiné ont été creusés par l'acide. Nous avons ensuite enlevé le vernis, ancré notre plaque et nous l'avons passée sous la presse avec une feuille humidifiée. Voilà en résumé ce que j'ai pu faire pendant mes deux journées d'immersion à l'ESA. Et ça m'a beaucoup aidée au niveau de mes choix pour l'année prochaine, car je me suis vraiment rendu compte de ce qu'on faisait dans l'école et les débouchés possibles qu'il pouvait y avoir. Et le fait de pouvoir discuter avec des professeurs et des étudiants, ça a été aussi très intéressant. Et en plus de ça, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai aussi découvert de nombreux artistes. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.